Mon père est mort, à 48 ans. Adieu, mon père. Et avant de nous quitter, je vous demande encore une fois pardon. Où en suis-je? Pour moi, je n'ai plus rien. J'étais satiriste, chansonnier, chaussonnier. J'ai tout fait de ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'État et que l'on est républicain. Et j'ai été déménageur. J'ai failli 10 fois m'estropier, ce qui n'est rien, mais j'ai failli estropier des meubles. Ce n'est pas vrai. Un bachelier ne peut pas faire n'importe quoi pour manger. Ce n'est pas vrai. Pauvre diable, qu'on nomme bachelier, entends-tu bien? Si tes parents n'ont pas travaillé ou volé assez pour pouvoir te nourrir jusqu'à 30 ans, comme un cochon à l'engrais, si tu n'as pas pour 20 ans de son dans l'auge, tu es destiné à une vie de misère et de honte. Fais-leur peur comme le Dante quand il revenait de l'enfer. Jacques, c'est ma mère qui m'appelle. Elle me fait asseoir à ses côtés. Écoute, le proviseur s'est approché de moi au cimetière. Pendant que tu regardais les arbres et que tu arrachais la tête à des fleurs, tu ne te rappelles pas? Tu avais l'air d'un fou. Je me rappelle. Pendant que la terre tombait sur le cercueil, je songeais à la vie des champs, lâchée pour le bagne universitaire. Ma mère m'a dit ce qu'elle voulait me dire. Je l'ai laissé parler. 2 heures du matin. Ma résolution est prise. Je me rends. Je veux vivre. Je vais mentir à tous mes serments d'insoumis. N'importe. Il me faut l'outil qui fait le pain. Mais tu ne le paieras, société bête, qui affame les instruits des courageux quand ils ne veulent pas être tes laquais. Va, tu ne perdras rien pour attendre. Je vais m'exercer pour te tuer. Derrière moi, il y aura peut-être un drapeau avec des milliers de rebelles. Et si le vieil ouvrier n'est pas mort, il sera content. Je serai devenu ce qu'il voulait, le commandant des redingotes rangé en bataille à côté des blouses. Sous l'Odéon, les talons noirs et les républicains sont mêlés. On se presse autour d'un vieux bohème qui vient de recevoir une nouvelle. Vous rappelez, Vintras, celui qui ne parlait que de rosser le professeur et qui voulait brûler les collèges? Oui. Eh bien, il s'est fait pion. Sacré lâche.